Hein. Je pense beaucoup de gens auraient envie d'ailleurs de continuer l'année prochaine. Donc, comme je dis, j'ai aussi lancé un peu à tout le monde de réfléchir à d'autres institutions. Donc, moi, je vais contacter le Collège international de philosophie. Voyez aussi si vous avez d'autres endroits, peut-être pas trop privés, où on pourrait éventuellement continuer, parce qu'ici, comme je dis, ce n'est pas prolongeable enfin, au-delà de la deuxième année. Et étant donné que voilà, la première année, j'ai fait à peu près moitié des programmes. Déjà, je vois que maintenant, la deuxième année, j'ai fait la moitié de la deuxième moitié. Donc, probablement, on va faire la troisième année, la moitié du cas qui reste. Donc, ça va ressembler à la course entre la tortue. Donc, on n'arrive jamais à la fin. Donc, pour la même raison, donc, de mon engagement à Palerme, donc, malheureusement, je dois annuler le débat avec Danny Robert Dufour, qui avait à peine été programmé pour le 25 février à la mairie du 2e, ce qui d'ailleurs tombé assez bien, parce que justement, on va en parler au prochain cours. Et moi aussi, donc, j'ai dû l'annuler. Peut-être on va le récupérer le 22 avril. En revanche, je ne sais pas si cela intéresse quelqu'un, donc demain, je vais présenter donc, ce petit livre de William Morris pour lequel j'ai écrit la préface. Donc, je vais le présenter demain à 8h moins quart à la librairie Quilombo à 21 rue Voltaire. Donc, ce sera... Demain soir. Oui, donc ce sera un débat, je pense un peu sur le... Bah, il voulait que je parle surtout du travail, mais maintenant je commence à être un peu rébarbatif le travail. Donc, je voudrais vraiment qu'on parle de Maurice, donc plutôt à la limite. C'est à 20h, c'est ça? Oui, 19h45, ouais. Je crois. Donc, alors, je pensais donc aujourd'hui donc, de terminer le discours de la dernière fois, parce qu'on n'a pas terminé, donc de faire d'abord un résumé un peu détaillé du livre de Marcuse, Eros et Civilisation. Après de reprendre brièvement la critique de Christopher Lesch. Ensuite, il y avait Andreas Falkenberg, donc, qui s'était offert de nous parler brièvement d'une enquête qui a l'air d'être très intéressante réalisée en Norvège sur le changement de mentalité des jeunes générations qui semble confirmer exactement cette espèce de changement. Cette espèce de diffusion de la servitude volontaire où le surmoi archaïque Oedipal a été remplacé par une surmoi donc de plus en plus diffuse qui surtout a tué toute volonté de contestation. Donc, dit ce que je voulais dire parce que je n'ai pas encore regardé vraiment en détail cette. Oui, mais tu vas peut-être nous parler 10-15 minutes justement de l'essentiel. Hein. Oui, bah, après, parce que ça tombe, tu m'as envoyé un email, ça tombe trop bien avec, effectivement, avec notre discours actuel. Ouais. Et donc après, ben, comme j'avais dit, donc je vais tenter de terminer à vers 6h30 ou 7h moins 20, de manière de laisser un peu de temps pour le débat, comme on m'a demandé. Alors, donc je vais donc reprendre Marcuse, parce que je n'ai pas fait l'autre fois. Je pense on peut évidemment en plus évidemment, se demander quel est l'intérêt de cette théorie. Il y a ce livre paru en 55, il y a 60 ans presque. Même le livre de Christopher Lesch a maintenant déjà 30 ans. Et en plus, on discute quand même beaucoup effectivement de psychoanalyse, donc de première enfance. Il y a aussi quelqu'un qui a demandé où est tout l'intérêt pour le discours autour de la mère. Alors évidemment, je vais souligner que ce n'est pas peut-être en tant que tel ici la question de la psychoanalyse ou de la famille qui nous intéresse, mais effectivement la question de qu'est-ce que c'est que l'autorité aujourd'hui. Je trouve que ce débat entre Marcuse, Fromm, Lesch, etc. a encore une grande actualité. Parce que justement, il devrait nous aider à comprendre en quoi consiste, de certaine manière, le pouvoir aujourd'hui. Le pouvoir, justement, pas en tant que pouvoir personnel, mais en tant que sujet automate. Donc, quelle est l'articulation entre la structure psychologique des individus et la structure, donc, et la structure fétichiste sociale, donc caractérisée par le travail abstrait, la valeur, la marchandise, etc. Et voilà, je pense que ce discours n'est pas du tout périmé. Bien sûr, certains aspects, surtout de Marcuse, sentent bien leur époque, un certain optimisme, une certaine confiance dans le progrès, une certaine enthousiasme pour la le potentiel émancipateur qui se cacherait derrière, derrière l'idée de libération sexuelle. Donc certaines choses nous semblent aujourd'hui un peu dépassées, mais il reste quand même une bonne partie de choses que je trouve nous permettent encore beaucoup d'éclairer la situation d'aujourd'hui, justement pour comprendre en quoi, disons, la séduction et le narcissisme ont remplacé l'autoritarisme ancienne manière. Voilà pourquoi la prochaine fois, on devrait donc reprendre la même question en examinant donc les écrits de Dufour, de Melman et d'autres lacaniens français. Là encore moins, c'est pour souscrire complètement à leur thèse, loin de là, mais c'est simplement parce que je pense qu'ils donnent, comme Lesch et Marcuse, une contribution à comprendre justement les nouvelles esprits du capitalisme, pour citer Boltanski. Donc, pour dire très brièvement, pour qui ne le sait pas, donc Marcuse a été comme un personnage intéressant, né en 99 à Berlin, dans une famille juive bourgeoise, et donc il participe à la révolution de Spartacus en Allemagne, au conseil des soldats. Il a donc une racine beaucoup plus politique que les autres membres de l'école de Francfort. Il devient élève assistant de Heidegger, mais donc il s'en détache complètement. Il émigre aux États-Unis, donc il rentre dans l'Institut pour la recherche sociale de Horkheimer. Il est en rivalité avec Adorno pour être le deuxième couteau de Horkheimer, pour écrire avec lui la dialectique de la raison. C'est finalement Adorno qui obtient gain de cause et qui réussit aussi à rentrer en Allemagne, à Francfort, tandis que Marcuse veut ou doit rester aux États-Unis, donc il s'engage beaucoup plus fortement dans la réalité états-unienne. Et il publie donc en 55 Eros et civilisation. Comme je dis, un livre quand même assez courageux, si on pense que l'Amérique venait à peine de sortir de l'époque McCarthyste. Et ben, comme vous savez, donc, Marcuse obtient un public beaucoup plus large en 64 avec l'homme unidimensionnel, l'homme à une dimension. Donc, j'avais lu quelque part que ce livre a été traduit en français, je crois, en 62 dans la collection Arguments, mais qu'il n'avait pas vendu 50 exemplaires dans les premières années. Tandis que la renommée de Marcuse est arrivée tout de suite après, donc... Il semblait qu'en 68, au contraire, donc, l'homme à une dimension s'est vendu des gens à 1000 exemplaires par jour. Donc il y avait donc un moment où, même en France, donc, les étudiants envahissaient les amphithéâtres des universités en scandant Marx, Mao, Marcuse, donc bizarre de combinaison. Après, Marcuse a quand même, il est mort en 79, il a quand même subi un certain déclin, je pense, parce que... Il semblait quand même plutôt lié au climat de l'époque et à ses optimismes. Donc aujourd'hui, c'est en général Adorno qui est de loin, je pense, l'auteur le plus étudié de l'école de Francfort. Mais quand même, Marcuse a gardé un certain public fidèle, même peut-être même une rigueur d'intérêt. Je pense, il y a aussi quelqu'un ici qui fait une thèse, non ? Le doctorat, elle n'est pas là. Justement sur Marcuse et sur ses livres. Nous l'avons déjà vu brièvement l'autre fois, il y a une curieuse coïncidence entre l'approche de Marcuse, surtout dans ses livres, et les situationnistes. Donc les situationnistes ne le citent jamais, mais on a justement, c'est Gabriel qui a fait un article, je pense que tu l'as déjà résumé l'autre fois, non? Non, donc Gabriel, non, peut-être tu vas aussi le faire dans 5 minutes. Donc, c'est un fait peu connu qui a été découvert récemment dans les archives de Debord rendues accessibles. Et Debord, en vérité, avait lu attentivement ce livre. Il trouvait beaucoup de quelque chose de très similaire à son propre approche, ce qui est effectivement le cas. Mais à la dernière minute, donc Debord avait décidé de ne pas le citer ni dans son livre La Société du Spectacle, ni dans le film qu'il en a tiré. Mais il a quand même admis dans une note, je pense que ce qu'il dit, que Marcuse avait déjà prévu toute la société du spectacle. Non, il dit tout simplement, Marcuse décrit la société du spectacle. Oui, donc c'est quand même déjà un très grand compliment. Mais c'est par rapport à un passage spécifique du texte. Oui. Alors, voyons donc un peu en quoi consiste ce livre. Juste, surtout, quelle est sa lecture de Freud et quelle est la critique que Christopher Lesch en fait. Je prépare aussi un article sur ce sujet. C'est vraiment assez labyrinthique, parce que vous avez d'abord les écrits de Freud, et déjà le Freud de 1905 n'est pas le même qu'en 1925, voire en 1939. Ensuite, vous avez eu une première vague de néo-freudiennes qui accusait essentiellement Freud de donner trop de poids au seul facteur biologique et à une espèce d'être humain intemporel, de ne pas tenir assez compte de la plasticité humaine, culturelle et sociale. Donc cela a été fait d'abord d'une manière assez marxiste et radicale par Wilhelm Reich au début des années 30. Après, aux États-Unis, par Eric Fromm, qui également se déclarait marxiste, mais qui était comme assez beaucoup plus modéré, et par une autre école, et par d'autres psychoanalystes américaines comme Karen Horney, Sullivan. Et qui eux-mêmes critiquaient une autre lecture de Freud, qui était ce qu'on appelle la psychologie de l'ego, d'un certain Heinz Hartmann, qui en revanche tentait beaucoup de diminuer l'importance de la théorie des pulsions chez Freud pour faire une psychologie plus axée sur la perception, sur les modalités de connaissance, etc. Donc par rapport. Alors, des gens comme Fromm, surtout, accusaient donc la psychologie de l'ego, de Hartmann, donc de certaines manières de rendre la psychologie de Freud agréable à la société capitaliste et donc de faire une simple théorie de l'interaction humaine. Donc, surtout Eric Fromm, donc c'est celui qui a écrit la fuite de la. Comment s'appelle français ? Escape from Freedom, la fuite de la liberté, donc l'art d'aimer, le caractère destructeur. Donc Fromm, voulait donc faire une psychoanalyse plus. Qui était plus sensible à une critique de la société. Donc, après est arrivé Marcuse, qui accusait Fromm et les autres néo-freudiennes en vérité également d'avoir édulcoré la théorie freudienne et de n'être pas, surtout de l'avoir décourté de la métapsychologie et de l'extrême des morts. Et donc, finalement, nous trouvons 20 ans plus tard Lasch qui également accuse Marcuse d'avoir édulcoré la théorie freudienne et d'en avoir donné une lecture trop optimiste. Et donc, ce n'est pas facile de résumer dans ces contextes pendant ce qu'on est un peu dans une espèce de boîtes successives où en plus on n'est jamais sûr si le résumé que chacun fait de l'autre soit vraiment correct ou il fait une lecture trop. Par exemple, Fromm, par exemple, s'était vigoureusement défendu contre les critiques que Marcuse lui a faites dans un article où il a dit qu'il n'avait pas la moindre intention de rendre la psychanalyse freudienne d'une certaine manière compatible avec la société capitaliste. Mais ne rentrons pas trop dans ces détails. Je vous dis seulement que l'exposé est un peu compliqué parce qu'ici on parle souvent de ce que quelqu'un dit de quelqu'un d'autre, comment il interprète une troisième, etc. Et donc ce que nous intéresse, donc, c'est surtout donc, c'est un peu la question de l'autorité et de la structure d'Oedipe. Alors. Donc la théorie essentielle, d'abord pour la résumer, avant de la expliquer un peu mieux, de Marcuse, c'est Marcuse donc reprend toute la théorie de Freud, donc même le dernier Freud, le Freud donc de malaise dans la civilisation, de au-delà du principe de plaisir, de Moses et la religion monothéiste, donc le dernier Freud qui en général est pas bien vu, disons, par la gauche, parce que ce dernier Freud paraît particulièrement pessimiste, d'une certaine manière, il dit que la culture humaine ne peut exister qu'autrement, qu'on peut se baser que sur la répression des instincts, et donc la société humaine est nécessairement, d'une certaine manière, frustrante pour l'individu, mais on ne peut pas faire autrement si on ne veut pas tomber dans la barbarie. Et donc, par rapport donc, à cette lecture, le néo-freudien américain, donc, comme je dis, aussi des auteurs comme Fromm, ont beaucoup plus valorisé le premier Freud, mais il affirmait que Freud donc, était trop biologiste, il était trop lié à un modèle médical, et donc il faut ajouter une sociologie. Donc il faut ajouter des considérations sociologiques et anthropologiques à la théorie freudienne. Et donc la spécialité de ces auteurs-là aux États-Unis, c'était par exemple de s'intéresser à la différence culturelle entre les structures familiales, différence entre les manières d'élever des enfants, donc qu'est-ce que c'est une relation édipienne dans une société où l'autorité n'est pas le père biologique mais le frère de la mère, comme c'est le cas dans certaines sociétés. Et donc le néo-freudisme, d'une certaine manière, donc, affirme pratiquement que le rôle biologique est beaucoup moindre de ce qu'affirme Freud. Après, donc, il est largement remodelé par un apport social donc, qui est accessible à l'action humaine. Parce que, par exemple, les modalités d'élever un enfant, de lui imposer l'hygiène, donc de lui permettre ou pas permettre ses premières pulsions sexuelles, etc., est très variable. Donc, apparemment, donc, cette approche-là, donc, des néo-freudiennes américaines, est très humaniste, donc, parce qu'il insiste beaucoup plus sur la possibilité donc, de changer ses structures. Et donc, c'est une approche qui, d'une manière ou de l'autre, reste assez présente, je pense, jusqu'à aujourd'hui, parce que, justement, il est en syntonie avec la pensée majoritaire dans la gauche, chez les libéraux, cette idée que l'être humain, il y a très peu de nature chez l'être humain, et l'être humain est largement le produit de sa culture. Donc si on agit sur la culture, on peut aussi rendre l'être humain plus heureux. Donc Marcuse, alors, se pose comme quelqu'un d'un optimiste moins facile. Au contraire, lui, il veut récupérer donc tout Freud, donc même le Freud pessimiste des dernières années. Mais donc Marcuse, donc il se pose d'une certaine manière freudienne orthodoxe, et il admet surtout la théorie qui a fait le plus de scandale chez Freud, c'est-à-dire l'idée qu'il existe un instinct de mort, de thanatos. Donc il existe une poussée chez l'être humain donc, vers la décomposition et vers le retour vers l'inorganique. Peut-être après, je vais y revenir un moment. Marcuse accepte donc l'idée qu'il existe un gros conflit entre la structure pulsionnelle, entre les instincts de l'être humain et la culture, qu'on ne peut pas simplement le résoudre en changeant un peu la manière de poser les bébés sur le pot pour faire ses besoins. L'idée décisive de Marcuse, c'est qu'il accepte cette description freudienne, mais il dit Freud, il fait quand même une erreur. Et il a raison, Freud, lorsqu'il insiste qu'il existe un gros conflit actuellement entre la société et les pulsions. Là, Freud voit juste, effectivement, lorsqu'il dit toute culture, toute civilisation demande effectivement que l'individu sacrifie son bonheur, qu'il renonce à la réalisation de ses pulsions. Et donc là, il dit Freud a raison, et donc ont tort donc ces auteurs contemporains, par exemple, justement comme la psychanalyse aux États-Unis, qui dit non, l'être humain peut quand même très bien se réaliser dans la structure familiale, dans le travail, dans les relations sociales. Donc tout cela donne une véritable satisfaction. Non. Donc ici, Marcuse dit que Freud est beaucoup plus juste, donc il dit une dure vérité, il dit effectivement que cette culture ici nous demande des très gros sacrifices. Donc la famille monogame est quand même un sacrifice imposé à la polygamie spontanée de l'être humain. Le travail est quand même une souffrance parce que spontanément l'être humain aurait plutôt envie de ne rien faire, etc. Donc Marcuse admet que Freud, dans sa description pessimiste, dit quand même une certaine vérité dure. Donc là, Freud, on peut le comparer à des auteurs comme Nietzsche, comme Hobbes, comme Durkheim, si vous voulez, des auteurs qui disent sans phare qu'effectivement la culture moderne est une souffrance pour l'être humain, et pas une autoréalisation. Donc là, vous voyez là, donc Marcuse donc, se pose, critique donc, les approches culturalistes à l'intérieur de la psychanalyse. De l'autre côté, et là, c'est le pivot, Marcuse quand même n'accepte pas cette idée freudienne que là, il s'agit d'une constante anthropologique éternelle qui restera toujours la même. Là, il dit, il cite donc, l'affirmation de Freud, selon quoi la domination du principe de réalité sur le principe de plaisir est selon Freud une chose inévitable parce que c'est la difficulté de satisfaire les besoins fondamentaux de l'être humain qui impose à l'être humain de renoncer largement à son plaisir au nom de la réalité et donc surtout de travailler. Donc là, donc Freud utilise le mot grec ananké, donc cette manière, donc la détresse donc, qui dérive par exemple du fait qu'il n'a pas assez à manger pour tout le monde. Et là, c'est là que Marcuse intervient, il dit là il y a un changement historique, donc nous sommes dans des situations historiques où on peut vaincre le besoin, donc la détresse. Maintenant, on peut avoir assez pour tout le monde sans devoir se tuer au travail, et en ce moment-là, donc cette prévalence, cette domination de principe de réalité sur le principe de plaisir perd au moins une partie de sa justification historique. Il dit historiquement c'était nécessaire, longtemps l'homme a dû lutter contre la nature pour arracher ce qu'il lui faut pour vivre. Pour le faire, l'être humain a effectivement dû se imposer beaucoup de restrictions. Mais certainement, dit Marcuse, maintenant, là, c'est fait, certainement grâce à la technologie. Maintenant, l'être humain pouvait vivre avec beaucoup moins de travail, avec beaucoup moins de répression, et pourrait finalement faire triompher le principe de plaisir avec tout un changement de structure psychique intérieure. L'être humain pouvait finalement faire triompher Eros sur Thanatos et créer une société basée sur une espèce d'érotisme diffus. Alors maintenant, je suis encore dans le résumé préliminaire, après je vais expliquer mieux. Ce qui d'ailleurs comporte, et c'est effectivement le point faible que nous trouvons aujourd'hui, chez Marcuse, une valorisation étonnamment optimiste, presque naïve, du bienfait du progrès technologique. Il y a une vision vraiment assez progressiste et téléologique. Il dit pratiquement que le travail aliéné a été lourd pour l'humanité, mais il était quand même nécessaire. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où il n'est... Le travail aliéné a tellement accumulé de richesses que nous n'avons plus besoin. On peut maintenant passer à une richesse sans travail. Je répète, là, c'est assez semblable aux arguments de la première phase situationniste. D'ailleurs, qui sait pourquoi les gens trouvent toujours que c'est exactement au moment où ils vivent qu'on peut faire ce changement. Non, qu'ils trouvent que maintenant qu'on a accumulé assez de travail pour pouvoir se libérer. Et donc là, comme je dis, c'est effectivement un point faible. Donc l'âge d'ailleurs ne manque pas d'exploiter cette faiblesse, même de se moquer un peu de celui qui est une Marcuse qui prétend très romantiquement un passage à une société. Donc le modèle serait Orphée et Narcisse et pas plus Prométhée. Donc où la perversion polymorphe gouvernerait au lieu de caractère génital traditionnel, mais tout cela grâce à la technologie et au travail accumulé, au travail aliéné accumulé des générations précédentes. Donc effectivement, là, c'est un peu une argumentation évidemment assez normale à l'époque. Je veux dire, on trouve un peu la même chose chez Debord, mais qui aujourd'hui nous laisse un peu perplexe. Je répète, là, je ne soulignais pas de souligner cette étrange dialectique que donc le... La vie donc la plus libre, la plus épanouie, donc d'une certaine manière, se base sur le maximum d'aliénation technologique. Et donc Marcuse donc voit donc l'arrivée d'une société, donc une société basée donc sur une structure psychique complètement différente, donc où justement pour lui, Narcisse est une figure positive, comme nous allons voir. Et je pense qu'on ne peut je ne connais pas votre niveau de connaissance dans ce niveau-là. Donc, principe de réalité et principe de plaisir, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Freud, donc, d'ailleurs, l'explique dans un écrit assez bref et assez important, je crois, de 1911. Donc, ce sont deux principes, c'est un thème irréductible dans l'être humain. Le principe de plaisir, c'est ce qui prévaut dans l'inconscient. Donc, c'est-à-dire que chaque pulsion veut une décharge immédiate. Donc chaque pulsion d'autoconservation au libidinal veut immédiatement avoir une satisfaction. Et elle. Et de cette manière, elles s'en fichent totalement de toute idée de danger, de toute idée de problème. Et donc, le principe de plaisir n'y connaît justement aucun danger, n'y connaît aucune dimension du temps. Et par exemple, typiquement, pour ne pas toujours seulement imaginer des choses de la libido directe, l'enfant peut-être trouve par exemple que la prise de courant, c'est très intéressant, il faut mettre les doigts dedans, donc il n'a aucune idée que c'est dangereux. Justement, là, c'est le pur principe de plaisir, il veut immédiatement satisfaire par exemple ses curiosités. Et donc le principe de plaisir est quelque chose d'antécédent dans l'être humain, lorsqu'il naît, il est entièrement dominé par le principe de plaisir. Et donc c'est seulement le rapport avec la réalité qui peut appeler, l'oblige à tenir compte de la réalité, et par exemple, de renoncer à une satisfaction immédiate pour créer la base pour une satisfaction plus tardive mais plus sûre. Donc justement, voilà, par exemple, classiquement, par exemple, donc c'est là, après, c'est une dimension d'abord individuelle, mais ensuite aussi, évidemment, collectif. Classiquement, par exemple, évidemment, les paysans, ils pourraient avoir la tendance à manger toute la semence immédiatement. Le principe de plaisir serait le principe de plaisir. Le principe de réalité lui impose de garder une partie de la semence pour avoir une nouvelle récolte. Sinon, évidemment, il ne pourrait même plus satisfaire son principe de plaisir au futur. Donc la vie individuelle est donc certainement une acquisition successive du principe de réalité. Donc c'est là donc que, donc entre donc la et donc que rentre donc la mémoire et la capacité d'agir sur le monde. D'ailleurs, Freud d'ailleurs ne manque pas de souligner qu'en dernière analyse, c'est quand même le principe de plaisir qui gagne, parce que même le principe de réalité en dernière analyse nous sert toujours quand même à avoir quelques plaisirs, simplement un plaisir plus sûr et plus assuré, et surtout on tient compte du futur. Donc le sujet dans tout ce qu'on peut appeler la conscience, la pensée et la mémoire est donc dû justement au fait que le principe de plaisir, donc de certaines manières, commence à se retirer face au principe de réalité. Et justement, tout l'individu, le principe de plaisir et de réalité reste toujours en lutte pendant toute la vie dans l'individu. Évidemment, si on vivait entièrement avec le principe de plaisir, on serait probablement mort après quelques heures. Si par exemple le principe de plaisir, par exemple, nous commanderait plutôt de nous jeter par la fenêtre, par exemple, si une jolie oiseau qui passe, qu'on voulait attraper, par exemple. Si évidemment le principe de réalité s'imposerait entièrement, pratiquement, il ne serait pratiquement plus aucune raison de vivre, parce que finalement nous vivons malgré tout finalement pour satisfaire nos aspirations primitives et notre fantasme originaire, qui sont la seule chose qui nous donne une véritable satisfaction selon la psychoanalyse. Évidemment, le principe de plaisir donc à ce refuge. D'abord, surtout le rêve, évidemment, comme Freud a démontré dans son premier grand livre. Donc justement, c'est la particularité des rêves de ne pas reconnaître la réalité. Donc dans le rêve, nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Justement, cela, donc c'est la domination totale du principe de plaisir. Mais déjà au moment du réveil, donc le principe de réalité nous impose sa censure. Voilà pourquoi les rêves sont toujours, se présentent toujours d'une façon déjà déformée. Évidemment, le principe des plaisirs, par exemple, s'impose dans le, évidemment, dans le lapsus. Évidemment, lorsque sans nous en rendre compte, nous disons, nous faisons ce que nous voulons. Et dans les blagues, donc ce sont les exemples classiques, de la, surtout de la première production de Freud. Donc, et évidemment, le grand royaume de la... qui reste également dans le domaine de la, du principe de plaisir, c'est l'imagination. Voilà pourquoi l'imaginaire, l'imagination joue un rôle si grand pour nous. Voilà pourquoi nous ne pourrions pas renoncer, par exemple, à nos rêves, à nos rêves diurnes. Pourquoi nous sommes tous, d'une manière ou de l'autre, à imaginer des choses impossibles, parce que justement que c'est là que le principe de plaisir règne souverain. Donc voilà pourquoi même l'employé modèle aura imaginé une fois ou l'autre de casser la figure à son patron, voilà pourquoi, etc. Dans tous ces cas-là, donc, le principe de plaisir donc, prend sa revanche. Mais justement, donc, pour Freud, à l'intérieur de la culture, seul le principe de réalité qui est une condition pour créer une civilisation et pour avoir des rapports sociaux stables. Parce que le principe de plaisir, comme je dis, est absolument égoïste et immédiat. Donc ces tendances sont très souvent destructives et antisociales. Donc, par exemple, en suivant le principe de plaisir, par exemple, on ne pourrait pas avoir une famille, une succession stable de générations. Donc parce que évidemment, la libido, en tant que telle, est absolument anarchique. Donc, il ne pense qu'à sa satisfaction immédiate. Freud insiste beaucoup sur ça. De même, le travail, évidemment, demande largement aussi là de renoncer à son plaisir immédiat. Donc, pour Freud, toute culture, tout ce que nous appelons civilisation, se base sur une répression des instincts, des pulsions. Et il dit même, Freud, que le bonheur n'est pas une valeur culturelle. Donc, la société n'existe pas pour rendre les individus heureux. Mais là, c'est la duplicité typique de Freud. On peut dire, alors c'est un vieux code réactionnaire, donc c'est quelqu'un qui nie la possibilité de la de bonheur humain, donc c'est quelqu'un qui justifie la répression, on peut le dire. On peut également dire, donc Freud, c'est quelqu'un d'honnête, c'est pas quelqu'un qui dit que le travail c'est la liberté, ce n'est pas quelqu'un qui dit que c'est la destination normale de l'être humain de... Par exemple, de se marier une fois dans la vie, de ne plus rien penser d'autre. Au moins, Freud admet que cette culture-là est basée sur la souffrance. Et c'est là, justement, que Marcuse reconnaît son importance et trouve en même temps que Freud, là, a fait l'erreur de ne pas voir que cette chose est vraie pour la société capitaliste, pour toute société qui existait jusqu'ici, mais pas nécessairement pour toute société possible. Freud donc reconnaît donc le côté barbare possible de la civilisation. Donc, il admet donc que l'individu doit renoncer à énormément de choses pour pouvoir survivre. Cela a donc un autre problème, et c'est le rapport entre Eros et Thanatos. C'est peut-être assez bref, donc dans cette première phase, à peu près jusqu'à 1920, donc Freud, un peu avant Freud, distingue pratiquement entre deux principes de pulsion, donc les pulsions de autoconservation, donc classiquement manger, et les pulsions libidinales, donc classiquement sexuelles, mais souvent dans des formes indirectes ou, comme disait Freud, inhibées quant au but, par exemple dans une activité artistique. Après, donc Freud commence vers 1920, il a fait une profonde révision de cette théorie. Donc ses écrits des 20 dernières années donc ont un caractère souvent un caractère plus général. Donc il tente vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est que l'être humain. Et on les appelle donc aussi cette phrase les écrits de métapsychologie. Et donc à l'intérieur donc de ces cadres. Freud introduit une nouvelle distinction il introduit maintenant deux catégories, donc l'instinct de vie, donc qu'il appelle Eros, et l'instinct de mort, qui est Thanatos. Donc, l'instinct de vie, c'est l'idée d'unir les choses, d'avoir toujours plus d'union, des unions toujours plus complexes, donc de lier, donc de créer une espèce de vie à travers l'union. l'autre, donc Thanatos, donc l'instinct de mort, serait au contraire une tendance à la décomposition, pratiquement une espèce d'entropie, même si on n'utilise pas ce mot, ce serait une tendance supposée de l'être humain ou même de toute vie, une espèce de décomposition vers les unités petites et pas liées. Donc ce serait une forme de destruction. Freud même, il admet que c'est un principe purement spéculatif, donc on ne peut difficilement le prouver. Quand même, il est resté fidèle avec, il est resté fidèle à cette proposition jusqu'à la fin de sa vie. Mais beaucoup de psychanalystes n'ont pas accepté cette idée qu'il existe un instinct de mort. Donc, Marcuse l'accepte, beaucoup d'autres ne l'ont pas accepté. D'abord, je répète, parce que c'est vraiment spéculatif. Et aussi, parce que ça a évidemment des conséquences aussi sociales et politiques. Si, pratiquement, l'être humain n'existe que des tendances libidinales et de l'autoconservation, donc ça veut dire que l'être humain tente par sa nature à s'auto-réaliser. Et donc, pratiquement, à ce moment-là, la destructivité et l'agression ne seraient pratiquement dues qu'à des mauvaises circonstances, par exemple, à une mauvaise société. Voilà pourquoi cette théorie a toujours plu, donc, la première fois, surtout, a toujours plu à la gauche, et justement, j'ai déjà cité plusieurs fois Eric Fromm, donc le dernier grand œuvre s'appelle justement, je crois en français, L'anatomie de la destructivité humaine, je pense, non ? Il analyse beaucoup pourquoi existe l'agression, pourquoi il analyse même comment naissent des monstres comme Hitler. Et donc, essentiellement, donc, le côté nocturne de l'être humain est donc essentiellement dû à une facteur d'éducation, à la société, etc. Donc, apparemment, dans son deuxième théorie, Freud est loin de cette idée d'une réforme de la société, parce que maintenant, l'agression, la destruction, le sadisme, la capacité de nuire et de détruire, maintenant, est conçue comme une espèce de bagage anthropologique de l'être humain. Il le présente même d'une manière, Freud, je ne sais pas, qui est vraiment difficile parfois à suivre, parce qu'il retrace cet instinct de mort, de décomposition, même jusqu'au géologique presque. Donc il parle d'une tendance de l'organique, donc de la vie, de se décomposer vers le non-organique, vers une espèce de calme absolu. Pratiquement toute vie est une forme d'agitation et donc de souffrance, pratiquement le calme total de la vie minérale serait une espèce idéale de toute vie vers laquelle la vie tente de revenir. D'ailleurs, cette idée d'un instinct de mort, qui tente justement aussi d'expliquer l'existence de la guerre, qui avait évidemment été un mystère pour Freud, comme beaucoup, beaucoup d'autres gens qui ont été surpris par la Première Guerre mondiale. Alors, l'instinct de mort a un rapport qui, je ne trouve pas très clair, avec le principe de nirvana. Donc, nous avons déjà parlé l'autre fois. Nous avons dit que Freud avait déjà introduit avant le principe du narcissisme originaire, donc l'idée qui s'épouse plus ou moins à l'idée que donc, l'être humain a une nostalgie de son état intra-utérin ou tout de suite après la naissance. Donc il y avait cette espèce de fusion totale avec, avec les milieux. Donc, qui justement Freud a appelé le principe du nirvana, d'autres ont parlé du sentiment océanique, donc une espèce de fusion totale, donc où l'individu ne sent aucune opposition avec le monde. Et le rapport entre ces deux choses, moi aussi je n'y vois pas trop clair, en plus parce que cela a été interprété très différemment par différents auteurs. Il y a des auteurs donc, qui admettent que cette idée du nirvana l'identifie avec l'instinct de mort, donc une espèce toujours le désir de retourner vers un état le plus simple possible. D'autres, au contraire, comme dit Christopher Lesch, il se base beaucoup sur cette espèce du nirvana, mais il nie l'idée d'un instinct de mort. Non, mais ce n'est pas maintenant la chose la plus importante ici. Moi, je vous dis que ces choses sont très intéressantes, mais pas toujours très claires. Donc, ni chez Freud même, mais encore moins chez ses interprètes. Vous me suivez plus ou moins, hein? Donc maintenant, il y a un dualisme chez le dernier Freud. Donc il y a une lutte entre ces deux principes. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant que lui-même, il fait une analogie avec la philosophie d'Empédocles, donc le philosophe ancien, antique, qui a affirmé qu'il y a une espèce de deux forces cosmiques, une force particulièrement qui tente de tout réunir le plus possible jusqu'à arriver à une espèce de sphère compacte, et après une tendance centrifuge qui tente à disperser la matière le plus possible jusqu'au moment de la dispersion maximale, et après il y a une nouvelle phase de centripède, donc de union. Donc Freud cite explicitement cette philosophe ancienne. Et d'ailleurs, entre guillemets, il est curieux combien cette théorie, déjà d'Empédocles, ressemble aux théories cosmologiques actuelles sur le Big Bang. Parce qu'au moins, une partie des astrophysiciens pense qu'il n'y a pas seulement eu une seule Big Bang, mais que cela est une espèce de procès qui peut-être s'est réalisé plusieurs fois. Donc, une espèce d'expansion suivie d'une période de rétraction. Mais là, évidemment, là aussi, nous sommes dans la spéculation pure. Alors, le problème est déjà Freud le sent que justement la culture se base donc sur le fait de limiter sévèrement le principe des plaisirs, mais donc, ça veut aussi donc dire de limiter sévèrement donc toute expression de l'éros chez les êtres humains, et donc cela donne donc libre cours effectivement au thanatos, donc aux tendances destructives de l'être humain. Donc, en général, il est positif si les deux tendances sont mélangées, donc c'est une espèce de mélange entre les pulsions agressives et les pulsions libidinales. Classiquement, par exemple, c'est aussi une conséquence de la solution du complexe d'Édipe. Donc l'enfant, donc d'un côté, il déteste et le père. Et de l'autre côté, il l'aime quand même en même temps, donc cela permet une identification. Dans le langage psychoanalytique, donc, les pulsions agressives sont liées, d'une certaine manière contrôlées, donc tenues sous contrôle par la présence des pulsions libidinales. Lorsque les pulsions agressives sont seules, lorsqu'elles sont plus liées à quelque chose de pulsionnel, alors là, Et libidinal, alors là, il commence à devenir dangereux et à avoir un dynamisme tout propre. Et donc, Marcuse donc insiste aussi que la lutte. Alors que la lutte contre Eros, donc, qui a caractérisé toute la culture moderne surtout, donc, a pour contribuer à l'augmentation des guerres et des massacres. Justement parce qu'il n'y a pas, moins il y a d'amour, plus il y a de guerre, donc dans ce schéma, de Marcuse. Ce qui, évidemment, après, se retrouver de manière un peu simplifiée dans le slogan de 68, donc du genre « Make love not war ». D'une certaine manière, c'est un peu ça, donc aussi chez Marcuse. Donc il y a une espèce, ou c'est une chose, ou c'est l'autre. Ou c'est la pulsion agressive du travail et de la guerre, ou c'est la pulsion amoureuse. Le travail aussi, en général, est vu par Marcuse comme une manifestation d'agressivité, donc comme une forme de thanatos, parce que le travail, en général, ça veut dire d'agresser la nature, de la faire, de la démonter et de la remonter d'une autre manière. Donc même si le travail, évidemment, l'activité physique n'est pas, on ne peut pas la éviter, mais elle reste quand même essentiellement une forme d'agression. Mais, comme je dis, donc la chose un peu décisive, c'est que donc Freud insiste donc que le principe de plaisir doit céder au principe de réalité, parce que autrement l'être humain ne pouvait pas vivre, il ne pouvait pas organiser sa résistance contre la nature, qu'il ne pouvait pas en arracher le nécessaire. Marcuse affirme donc que là, Freud a absolutisé un élément contingent. Ce n'est pas une condition atemporelle de toute existence humaine. C'est justement à notre époque, donc on peut effectivement vivre sans ananké, sans la détresse. Mais c'est la société capitaliste qui boycotte pratiquement cette possibilité. Donc il affirme qu'aujourd'hui il existe objectivement la possibilité de sortir de la répression, de sortir dans, mais c'est l'ordre social, donc ce sont ceux qui dominent la société qui empêchent ce changement, qui empêchent de mettre la technologie au service d'une société sans travail. Et même ici, donc, il y a effectivement un fort parallélisme avec la théorie et la situationniste des mêmes années. Et donc, aujourd'hui, donc, dans la société capitaliste, le principe de réalité donc, se réalise surtout dans le principe de prestation. Donc, traduit en français, on pourrait aussi dire le principe de performance. Donc, c'est-à-dire l'individu, il doit rendre. Donc, il doit faire le plus possible. Il ne doit pas vivre dans une jouissance immédiate, mais il doit faire quelque chose, comme un ouvrier qui doit rendre, qui doit avoir une performance. Donc ça veut dire, donc, dans la société capitaliste, donc, le principe des plaisirs, d'un côté, se trouve limité au temps libre. Il fait même un calcul, Marcuse, qu'il n'y en a pratiquement que 2 heures par jour. Donc il dit, si on travaille 8 heures par jour, 2 heures pour aller et venir. Donc, manger et dormir, etc., il ne reste que 2 heures vraiment où l'être humain peut vivre selon son plaisir. Et de l'autre côté, le principe des plaisirs illimité, dit Marcuse, sur la sexualité génitale. Donc ça veut dire que la plupart du temps et du corps humain donc, sert seulement pour exécuter du travail aliéné, et pour mettre pratiquement et cela est effectivement une nécessité lorsque la détresse, lorsque le manque originaire continue à exister. Effectivement, dans une société d'une faible productivité, et effectivement il est nécessaire, donc dit Marcuse, donc effectivement de soumettre son corps et son temps à la nécessité productive, mais ce n'est plus le cas maintenant. Évidemment, ici, je répète, c'est le point faible de Marcuse. D'abord, il a évidemment une vision très positive de la technologie. Et de l'autre côté, il admet l'idée que les sociétés précapitalistes étaient des sociétés de la pauvreté. Donc, la recherche anthropologique, donc nous avons déjà parlé l'année dernière, ont largement mis en pièce cette idée d'une espèce de pauvreté de sociétés précapitalistes que souvent... au contraire, réussissaient à satisfaire leurs besoins avec un minimum d'activité. Donc, évidemment, le livre classique de Marshall Salins sur l'économie de l'âge de pierre, mais aussi beaucoup d'autres études. Et de l'autre côté, Marcuse insiste assez sur le fait que la sexualité génitale est donc une version très réductrice de Eros. Donc Eros est une force beaucoup plus large. Ici, il se réfère au concept de perversion polymorphe chez Freud. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Freud, il se défend d'ailleurs toujours, il dit que la perversion est un concept médical. La psychoanalyse, au moins en théorie, sans valorisation morale, même si c'est ce n'est pas trop clair. Ça veut dire donc que l'enfant, le petit enfant, effectivement, prend plaisir avec tout son corps et envers tout. Donc, le petit enfant donc, peut avoir envie de toucher ou d'embrasser pratiquement des personnes de son propre sexe et de l'autre, les animaux également, les objets également. Il n'a pas. Le petit enfant donc, n'a pas quelque chose comme une. Une répulsion, par exemple, envers ces produits corporels. Donc, il y a une espèce de capacité des petits enfants pratiquement d'érotiser toute forme de rapport, je dis même avec les objets inanimés. et de le sentir avec tout son corps. Et donc, selon la psychanalyse, après, il y a une réduction progressive, donc peu à peu, dans le développement, donc, il y a une réduction d'abord aux zones érogènes et finalement aussi avec une prima du génital. Et donc, qui devient à peu près la seule source de plaisir érotique dans l'individu adulte. Freud même donc affirme donc que c'est purement descriptif, mais il est parfois difficile de ne pas y voir également quand même une adhésion au monde partiel hein, aux valeurs de son époque. Quand même, pour Freud, ceux qui n'arrivent pas à cette espèce de prima du génital sont quand même essentiellement des névrosés chez lui. Il y voit que beaucoup de névroses dérivent justement de ces processus non accomplis. Et justement, Marcuse, donc là aussi, il affirme que c'est très réducteur, au contraire, une véritable révolution, une société érotique ne peut pas consister simplement dans une libération de la sexualité génitale. Il dit que c'est aussi une reproche qu'il fait d'ailleurs à Wilhelm Reich et à son livre assez connu sur la fonction de l'orgasme. Il dit Marcuse dans les années 50, nous assistons déjà à ce rapport plus décontracté envers la sexualité génitale, par exemple dans la publicité. Donc il y a déjà une récupération, donc justement c'est ce qu'appelle Freud la désublimation répressive par rapport à d'autres sociétés, par exemple l'époque victorienne. Aujourd'hui, on permet beaucoup plus d'épanouissement donc, de la sexualité génitale qu'avant, donc même le tabou de la virginité, du mariage, etc. tombe. Mais Marcuse, cela reste quand même fortement récupérable à l'intérieur d'une société conformiste. Donc ça peut très bien se marier, encore se épouser avec une approche du travail. En effet, là, il a pleinement raison. Donc très souvent, on connaît le modèle de la personne qui adhère totalement à l'idéologie du travail, qui en même temps vit avec une espèce de virilisme très poussé, très excessif. Donc comme le type de personne qui peut-être travaille 60 heures par semaine, comme une fou, et après il va se défouler en discothèque le samedi soir, il va chercher quelqu'un pour un sexe rapide. Donc ce n'est pas justement là le genre de libération sexuelle qu'imagine Marcuse. Donc il trouve là, ça reste à l'intérieur de la société donnée. C'est un autre élément, je pense, qui a intéressé Debord, n'est-ce pas? Donc, lorsque dans son film sur la société du spectacle, il met par exemple beaucoup d'images des filles dévêtues, justement, en tant qu'exemple d'une récupération spectaculaire de la sexualité, donc qui n'a plus rien de révolutionnaire. Donc, Marcuse se réfère donc plutôt à cette idée d'une érotisation du corps entier, de la société tout entière, même si ça reste assez vague. Donc, finalement, donc, par exemple, quelles sont ces perversions qu'il veut valoriser, donc ce n'est... S'il pense à l'homosexualité, s'il pense au sadisme, etc., donc ça reste très vague chez lui. Justement, c'est ici un peu le centre de son analyse, c'est justement le travail aliéné, donc le travail qui en a fait pendant des siècles, qui s'est basé sur la répression des héros, qui maintenant, par une espèce de beau revirement dialectique, nous a maintenant mis dans la présence d'une situation où on peut finalement donc justement érotiser la société, justement grâce au contraire qui a eu lieu avant. Parce que. Donc, bien sûr, l'adhésion de Marcuse au progrès, évidemment, n'est pas une valorisation complètement acritique du progrès technologique. Par exemple, il cite cette belle phrase de Baudelaire, « La vraie civilisation n'est pas dans les gaz, ni dans la vapeur, ni dans les tables tournantes, elle est dans la diminution des traces du péché originel. » C'est la phrase dans « Mon cœur mis à nu » de Baudelaire. Évidemment, Et il dit même explicitement, Marcuse, qu'on doit peut-être accepter une baisse du niveau de vie matériel, et donc peut-être avoir un peu moins de frigos et de voitures. Donc son idée, c'est plutôt que quand même la technologie sert à nous libérer d'une bonne partie du travail et à vivre avec quelques heures de travail par semaine. Et dans ce contexte, justement, Marcuse introduit le concept de surplus répression, donc une répression supplémentaire. Donc évidemment, Marcuse, il ne nie pas qu'un certain niveau de répression des pulsions de plaisir inévitable pour l'être humain, pour vivre et pour pouvoir obtenir quelque chose de la nature. Donc évidemment, il ne prêche pas une adhésion totale et immédiate au principe de plaisir en tous les cas, comme c'est parfois le cas dans une autre auteur de la même époque, souvent on cite avec Marcuse Norman Brown qui écrit La vie contre la mort. Non, Marcuse admet la nécessité d'un certain degré objectif de répression, donc pour assurer le minimum de production nécessaire, mais il affirme justement dans le capitalisme, il y a une répression supplémentaire, un surplus de répression, donc une répression non nécessaire, non plus nécessaire, où l'être humain doit sacrifier son bonheur, pas pour le minimum nécessaire, mais pour le maintien de l'ordre existant. C'est justement le but d'une révolution, donc pour Marcuse, ce serait justement pas d'abolir toute forme de répression ou des contraintes, disons, mais d'abolir cette contrainte excessive par rapport à ce qui aujourd'hui, historiquement, est nécessaire. Et donc, dans ces cas-là, donc, il faut donc aussi donc sortir de ce cercle de révolte où finalement ceux qui se révoltent prennent la place de ceux qu'ils ont chassés, parce que là je crois que ça se fait déjà tard. Une chose je trouve un peu surprenant que Marcuse ne réponde pas seulement l'extrême des morts, qui quand même je trouve reste une théorie vraiment très intéressante, mais un autre côté beaucoup plus discutable de la théorie de Freud, c'est l'idée de l'ordre primitif. Donc l'idée qu'il a vraiment existé un certain moment, cet ordre primitif, avec le père originaire que ses fils ont tué pratiquement pour se mettre à sa place, pour avoir ses femmes, et qui sont ensuite devenus comme le père. Donc cette théorie-là, selon Freud, le souvenir de ce meurtre originaire donc serait resté pratiquement, aurait été transmis d'une génération à l'autre, aurait fait donner une espèce de culpabilité humaine donc qui avec laquelle on est déjà au-delà de tout ce qu'on fait, et qui fait aussi que justement que toute révolte finit très souvent pour rétablir l'ancienne forme d'ordre, parce que pratiquement ceux qui ont le fils qui ont tué le père originaire pour le sens de culpabilité pratiquement ensuite ils ont sanctifié, ont commencé à faire la même chose. Mais laissons peut-être cet aspect. Donc pour Marcuse, il s'agit maintenant de transformer la structure psychique de l'être même, donc pas de lui donner une autre forme d'interprétation sociologique, mais de changer vraiment l'équilibre entre Eros et Thanatos. Donc si l'être humain pouvait se libérer du travail aliéné, s'il pouvait développer un autre rapport plus érotique, donc c'est-à-dire plus fusionnel avec les autres êtres humains et avec la nature, alors pratiquement dans une telle société, simplement Thanatos, donc la force destructrice et des guerres, serait beaucoup plus liée et donc ferait beaucoup moins de mal. Et donc il faut donc pas abolir le principe de réalité, mais le concilier avec le principe de plaisir. Et tandis que Freud pensait qu'une société qui se base sur un héros libéré serait une société qui tomberait en ruine, justement, donc là, Marcuse était au contraire. L'héros n'est pas nécessairement asocial, il peut au contraire être créature de civilisation, parce que l'héros lie, l'héros pousse donc les personnes l'un vers l'autre, pas seulement dans l'amour physique, mais aussi par exemple dans toute forme de socialité, dans toute forme d'amitié, de famille, évidemment, rappelons-nous que pour Freud, toute forme de rapport social est une forme, a quand même une base toujours libidinale, mais elle est, comme dit le terme technique, inhibée contre au but. C'est-à-dire, donc, c'est une tension libidinale qui n'arrive pas à sa conclusion biologique immédiate, c'est-à-dire le coït, mais par exemple, qui se limite par exemple à une accolade entre collègues ou un rapport, ou une vie familiale. Et donc, Freud affirme aussi qu'il existe une tendance à l'auto-sublimation de la sexualité, qu'il existe quelque chose comme une morale libidinale, par exemple, que la libido s'énuirait d'elle-même si ses buts seraient trop facilement réalisables. Donc la libido, même particulièrement pour jouir davantage, aime aussi se créer des problèmes, pour rendre les choses les plus difficiles, et donc à renoncer à une satisfaction immédiate. Donc, Marcuse, différemment de Freud, ne croit pas qu'une société qui donnerait libre cours à toutes les pulsions érotiques serait une société où pratiquement qui tomberait immédiatement dans le chaos. Et donc il voit donc cela dans les figures de Narcisse et de Orphée, donc qu'il interprète surtout comme des figures qui ont un rapport harmonieux avec le monde. Donc Orphée, donc qui chante, donc qui fait pleurer, donc même les animaux, et il crée donc une espèce de fusion magique avec le monde. Donc il ne veut pas dominer le monde, mais il veut pratiquement, il veut vivre en paix avec les autres et avec toute création. Et même Narcisse, comme je dis, qui est évidemment une figure très négative pour Christopher Lesch, pour Marcuse, c'est une figure positive, c'est également quelqu'un pratiquement qui veut se fondre avec son milieu, avec l'eau, et qui vit pratiquement également avec qui ne vit que pour l'amour, on pourrait dire. Et donc pour terminer, on l'a dit, alors donc justement, on pourrait donc d'un côté réduire le travail le plus possible, et de l'autre côté transformer le travail qui reste. Là, il cite explicitement Fourier, donc comme l'exemple de transformation du travail en activité passionnée, même si d'ailleurs il dit que le Phalanstère quand même lui rappelle plutôt le Kraft durch Freude, donc qui était un slogan nazi qui veut dire la force à travers la joie, donc une espèce d'incitation qui faisait les nazis aux travailleurs donc de s'amuser même au travail. Et dans la dernière partie du livre, donc Marcuse donc il se concentre sur l'art, donc il a dit c'est l'imagination qui est le refuge donc de cette du principe de plaisir. Donc c'est la seule partie de l'existence humaine qui n'est pas soumise à la domination des principes de réalité. Et c'est donc justement dans l'art et dans des figures artistiques célébrées par l'art comme Orphée et Narcisse que s'est exprimé ce qu'il appelait le grand refus, d'ailleurs un terme évidemment qui a eu beaucoup de succès dans les années 60, c'est-à-dire une protestation justement contre cette forme de répression des contraintes qui va au-delà du strict nécessaire, qui est dû seulement à une forme de domination sociale. Et donc l'art est pour Marcuse est donc une forme de travail humain, parce qu'on c'est une forme de travail parce qu'on agit sur le matériel, mais qui se passe largement sans répression des pulsions et qui donne une certain niveau, donc un niveau élevé de satisfaction libidinale, mais sans être destructeur. Et donc la création de la réception de l'art, donc pour Marcuse, a toujours été une libération au monde temporaire de force de Eros, de force érotique. Évidemment, dans ce contexte, il cite longuement les lettres sur la éducation esthétique du poète allemand Friedrich Schiller, qui ont beaucoup marqué toute la réflexion en Allemagne sur le potentiel utopique de l'art. D'ailleurs, par exemple, le jeune Lucas, par exemple, également donne beaucoup de poids aux écrits de Schiller. Donc l'expérience esthétique pourrait donc être le modèle d'une expérience du monde qui est libérée des structures répressives. Donc d'une société où c'est le principe des plaisirs même serait immédiatement le principe de réalité. Et donc dans son livre, donc pour dire que mot de conclusion, donc Marcuse donc il est donc à la recherche d'une utopie concrète, donc ça veut dire concrète, donc ça veut dire donc il a une idée, c'est une utopie dans le sens évidemment qui va beaucoup au-delà du marxisme traditionnel. Donc ici on ne parle pas du tout d'un changement de propriété ou d'une meilleure rétribution des ouvriers. Donc ici il y a un programme assez grandiose d'une culture ou la même structure pulsionnelle, donc même ce qu'on appelle la nature humaine serait donc assez différente, donc une culture basée sur l'amour au sens plus large et où la force destructeur serait de certaine manière au moins largement domptée. De l'autre côté, Marcuse n'imagine pas cela simplement comme un tableau joli hors de l'histoire, donc pas comme une utopie concrète. Donc il affirme donc que c'est justement le développement de la production industrielle qui, paradoxalement, nous a donné la possibilité concrète de réaliser une telle existence. Et donc pratiquement ce n'est que l'ordre capitaliste, même si il utilise presque jamais ce mot, de l'ordre social donc, qui nous empêche l'accès à cette possibilité. Je répète là, il se rencontre assez avec la théorie qui d'abord est en train d'élaborer en ces années-là, mais on peut quand même assez, je pense, exclure qu'il y a eu une influence réciproque. Et, d'ailleurs, d'une manière parfois un peu contradictoire, Marcuse était d'ailleurs quand même conscient qu'un changement était déjà en acte, l'individu classique était en train de disparaître, qu'on allait vers une société sans père, donc sans l'autorité visible, et que la forme classique donc, du fils qui se révolte contre le père donc, avait de moins en moins importance dans une société où les individus subissent une espèce de socialisation immédiate et collective, donc à travers d'autres structures qui ne sont pas la famille au sens traditionnel, par exemple la masse média et l'école et d'autres formes. Mais dans tout cela, donc la théorie de Marcuse reste donc une théorie essentiellement donc du surmoi entente que en tant que structure autoritaire, donc d'une société où donc le conflit oedipien, donc la répression exercée par le père est le modèle donc d'une société autoritaire en général, où donc l'individu donc de certaine manière doit accepter de renoncer à la satisfaction de son plaisir pour pouvoir accéder aux satisfactions qui donnent l'obéissance au principe de réalité. Voilà pourquoi et donc effectivement une forte connotation, si on peut dire, anti-autoritaire, effectivement dans toute la théorie de Marcuse, donc l'idée donc qu'il faut battre en brèche les structures sociales qui imposent justement la surrépression, donc la répression non nécessaire, pour permettre, et l'être humain donc, pourrait changer dans sa structure pulsionnelle si on réussit à changer la structure sociale et du travail. Alors, on voulait aussi entendre le petit exposé de Andrés. Et donc, en vérité, je vous avais déjà anticipé l'autre fois un peu la critique qui fait Christophe Alech à Marcuse, et donc je vais encore la répéter selon brièvement. Et donc, comme je l'ai dit, Lesch, dans la dernière partie de son livre, donc le mois assiégé, comme je dis, d'ailleurs je vous ai dit, assez mauvaise édition. Il parle pratiquement, donc, juste, plutôt que de parler des partis politiques, donc il parle du parti du surmoi, du parti du moi et du parti de l'idéal du moi, donc on pourrait dire du parti du narcisse. Et là, donc, évidemment, la partie du surmoi, ce sont les conservateurs traditionnels qui évoquent l'autorité, mais qui, comme dit Lechnodos, n'ont pas plus rien à offrir, surtout lorsque, justement, il a dit, les structures traditionnelles autoritaires ne peuvent plus être regardées, justement, avec ce mélange d'amour et de crainte comme auparavant, parce qu'ils n'ont plus rien à offrir. Lorsque la société ne peut plus offrir la sécurité à ses citoyennes, elle ne peut plus offrir du travail, elle ne peut plus offrir de la sécurité dans la rue, etc. L'autorité, pratiquement, ne fait autre que... se base seulement sur la crainte, pratiquement, et donc perd en vérité tout respect. Et les partis du moi, c'est le parti libéral classique, dit Lech, pratiquement, qui mise donc pas sur la contrainte, mais surtout sur la conscience de l'individu, donc sur sa bonne volonté, mais qui, dit-il, finit facilement dans la manipulation, pratiquement, et donc il dit que même la théorie libérale de l'éducation aux États-Unis, qui a de fortes racines d'ailleurs dans le protestantisme du 19e siècle, finalement n'est pas si différente du behaviorisme, c'est-à-dire du comportementalisme de Skinner, pratiquement, qui prétend de manipuler les gens pour leur propre bien. Donc le chapitre le plus intense de tout son livre, donc c'est le dernier, et donc justement pour les parties du narcisse, avec lequel, de certaine manière, auquel il reconnaît effectivement de très bonnes intentions, mais qu'il trouve insuffisant. Donc le parti du narcisse, donc c'est donc ceux qui, selon laquelle, donc il faut donc abolir les structures autoritaires traditionnelles et permettre donc aux individus la réalisation de leur aspiration narcissique. Ou comme il dit, le féminisme, le marxisme et la psychoanalyse semblaient ainsi se fondre en une révélation de la famille autoritaire et de la personnalité centrée sur la figure paternelle qui vit la souffrance comme culpabilité plutôt que une justice. Ici on dit justice, moi c'est Edison, c'est vraiment bidon, hein. C'est une justice. Hein. Qui accepte son sort au lieu d'essayer de changer les conditions sociales qui la rendent malheureuse et qui s'identifie à l'agresseur au lieu de chercher à unir les victimes d'agression contre le système social dominant. Et donc justement, il admet effectivement l'importance de cette idée de libération, donc justement il trouve, c'est là le problème, qu'en vérité là on va vers une autre forme de servitude, justement là, donc c'est aussi le... ce qui nous intéresse le plus en Lech. Il y a un côté qui peut à un moment paraître assez conservateur chez Lech, mais il reste quand même un autre côté qui est vraiment à la recherche d'une émancipation, mais d'émancipation dans les termes nouveaux. Et là, c'est quand même un peu proche d'autres auteurs que nous allons voir ici, comme Robert Dufour. Donc de voir de quelle manière les promesses de libération, surtout des années 60, de certaine manière, n'ont abouti à d'autres formes, de certaine manière, plus perfides d'autorité et d'intériorisation d'une hétéronomie à travers la séduction. Donc la critique, pratiquement, qui fait Lech à Marcuse, c'est que Marcuse, justement, il croit dans une opposition entre une structure pulsionnelle d'un côté et une société, une structure sociale qui rend l'individu malheureux, mais que c'est un conflit qu'on pourrait résoudre. Donc on pourrait, donc, à travers un changement social, par exemple à travers justement l'abolition de la surrépression, on pourrait vraiment faire... vaincre le principe de plaisir et abolir ou diminuer les poids de surmoi. Et justement, ici, nous avons vu, si vous vous rappelez l'autre deux séances, et Lesch ici, et il fait rentrer en jeu le concept du surmoi archaïque. Donc il se rappelle surtout à certains des derniers écrits de Freud, pas tellement les écrits culturels, mais les écrits comme son écrit sur la sexualité féminine ou l'autre sur angoisse, inhibition et symptômes, je crois qu'il s'appelle. Au Freud, de plus en plus, on insiste que la véritable racine de l'angoisse n'est pas sur le fait, réside pas dans le fait que les pulsions sont brimées. Par l'extérieur, par une force externe, donc pour la force paternelle, mais pour leur propre nature contradictoire, parce que c'est d'abord l'angoisse, que la véritable angoisse, c'est l'angoisse de séparation de l'enfant avec sa mère, et la véritable angoisse, c'est aussi l'incapacité du bébé, du petit enfant, de réaliser ses pulsions libidinales. Donc c'est pas seulement à cause d'une défense extérieure, mais surtout à cause de son immaturité physique. Et donc, de certaine manière, même les angoisses, l'angoisse de castration et les autres angoisses liées à la phase oedipienne ne seraient qu'une réédition de quelque chose qui a des racines encore plus anciennes, et donc là qui fait vraiment partie d'une espèce de nature humaine, même si Lesch n'utilise pas exactement ce mot. Et donc nous avons vu, donc là, donc la nature humaine, ce ne veut pas dire qu'il n'a rien à faire pour Lesch, mais ça veut dire que c'est vraiment que chaque culture peut donner des réponses régressives ou pas régressives à cette situation qui, en tant que telle, n'est pas modifiable. Donc c'est-à-dire l'angoisse de séparation originaire et le désir de retourner vers une situation apaisante, la situation du nirvana. Nous avons vu l'autre fois, donc, que Lesch insiste beaucoup sur le rôle de la culture, mais en tant que jeu, en tant qu'objet transitionnel, donc elle reprend ce concept de Winnicott, selon donc laquelle donc ce qui vraiment est capable d'apaiser nos angoisses existentielles, c'est surtout l'objet d'objets intermédiaires, donc qui font une intermédiation entre nous et le monde, qui admettent la séparation, mais qui en même temps, de certaine manière, tendent à diminuer son poids. Et donc ce serait donc bien différent, dit Lesch, de la culture du narcissisme, qui au contraire, qui oscille, hésite entre une dénégation magique de la séparation advenue, et donc des fusions, des fantasies, des fantasmes de fusion totale, par exemple dans la drogue, mais aussi, par exemple, dans certaines idées, certains mysticismes comme la New Age, ou dans certaines formes d'écologisme naïf que nous voit, qui croient dans la possibilité d'une fusion totale avec la nature, ou aussi, par exemple, le fait de vivre, par exemple, de se fusionner totalement, par exemple, dans une bande de délinquants. Donc tout cela, ce sont des expériences qui nient la séparation. Et de l'autre côté, l'autre réponse fausse et dialectiquement liée, c'est évidemment le désir de toute puissance, donc c'est le désir donc, de contrôler totalement la nature, donc de nier notre propre dépendance par rapport à la nature, en pensant donc, que nous sommes totalement le maître de tous. Donc justement pour Lesch, La véritable réponse humaine consiste dans le fait d'admettre certainement notre dépendance par rapport au monde extérieur, donc admettre au niveau individuel et au niveau social, en même temps d'en faire le mieux possible. Donc, et on peut, cette théorie n'est pas très, en plus, ça reste plutôt ébauché chez Lesch que développé, mais c'est sûr que de toute manière, on peut effectivement dire que la société capitaliste, surtout dans son stade actuel, se caractérise surtout pour cette oscillation violente entre idée de toute puissance et idée de impuissance totale. Et cela se trouve aussi typiquement d'ailleurs dans les individus, parce que typiquement, nous vivons dans une société de déprimés, donc la dépression est évidemment une sensation d'impuissance totale, que donc, qui d'autre côté, chez les narcissiques, après, donc, fait, évidemment, fait, est toujours en liaison avec l'idée de pouvoir tout faire, de pouvoir tout réaliser dans sa vie, d'avoir donc de pouvoir faire toutes les expériences, de pouvoir avoir. Et de pouvoir réaliser toutes ces aspirations. Donc, Lesch, donc, elle se réclame, comme nous avons vu, surtout des écrits donc, de Melanie Klein et de son école, donc, qui introduit le concept d'une surmoi archaïque. Je crois qu'elle existe déjà chez le dernier Freud, donc ça veut dire bien avant qu'apparaît la figure du père, donc du père qui défend, il y a donc déjà dans la première année de vie, donc dans le fond, a des pulsions agressives très fortes envers les personnes qui s'occupent de lui. Après, il est épouvanté par ses propres pulsions agressives, il craigne donc d'être détruit par les personnes qu'il a détestées. Et donc, à ce stade-là, donc, il apparaît des figures donc, de surmoi archaïques qui sont beaucoup pires que le père du pied. Ce sont des figures qui dévorent, donc ce sont des figures donc, qui menacent totalement l'intégrité physique de l'enfant. Donc, évidemment, l'enfant ne peut pas nous le dire, mais le psychanalyste affirme que dans une cure psychoanalytique, cela retourne sous forme évidemment de fantasmes régressifs et on peut également le trouver évidemment dans beaucoup de produits culturels, dans des fables, dans des rêves, etc. Et donc l'idée aussi que donc il existe d'une certaine manière que ce surmoi maternel d'une certaine manière est encore beaucoup plus terrible et surtout beaucoup plus lié à un stade d'impuissance totale parce que déjà parce que plus évidemment l'enfant est petit, moins il peut faire face à ce qui les menace, plus toute menace est vécue comme absolument terrible. Et donc l'idée donc, d'une mère destructrice, ou surtout une mère qui oscille tout le temps entre destruction et amour est donc particulièrement difficile à supporter pour l'enfant. Donc cette idée a été d'ailleurs assez exploité dans les dernières années et décennies par beaucoup d'auteurs qui écrivent plus ou moins sous l'influence de la psychoanalyse en France. Par exemple, je crois qu'il y a un haut fonctionnaire qui s'appelle Michel Schneider, par exemple, qui a écrit un livre Big Mother, où il analyse par exemple le rapport typique du français avec l'État, justement comme une espèce de mère qui en même temps qui donne tous, mais qui demande aussi tous à l'individu, que donc justement la mère classique qui dévore, qui ne permet pas une l'établissement d'une autonomie. Et donc pour terminer, donc chez Lesch, mais aussi je répète, chez les néo-lacaniens français, il y a cette idée que, évidemment, la structure oedipienne classique avait beaucoup de désavantages, n'est pas une liberté complète, mais ce qui l'a remplacé dans les dernières années, donc cette émergence d'une surmoi archaïque, d'une certaine manière, est encore beaucoup pire, donc laisse encore beaucoup moins de liberté, crée une angoisse encore beaucoup plus forte. Et aussi une situation de dépendance beaucoup plus forte, justement, parce qu'évidemment, plus. Et crée aussi des déséquilibres psychiques beaucoup plus forts, parce que plus tôt un déséquilibre se manifeste dans le développement de l'enfant, plus il est impossible de s'en libérer, après. Donc, classiquement, le conflit oedipien donne des névroses, il n'est pas bien résolu, le conflit antécédent donne aussi des psychoses, donc, comme par exemple et comme la dépression, ou ce qu'on appelle le pervers narcissique ou le borderline. Alors, je m'arrête ici, donc je voudrais peut-être la prochaine fois encore en vérité arriver à ce qui est en vérité pour moi la chose la plus importante, de faire voir en quoi cette structure narcissique que nous vivons aujourd'hui a partie liée avec le fétichisme de la marchandise et avec la valeur. Donc, je dis, les auteurs que nous traitons ici, Lesch, Marcuse et Dufour, ils tentent tous d'établir un lien entre ces changements de structure psychique et des changements sociaux et économiques, mais il reste, trouve-je, à un niveau assez superficiel. Il parle surtout de la fin de l'entreprise familiale, donc du marché libre, etc. Donc il donne plus ou moins toute la faute aux grandes bureaucraties, qui évidemment est un aspect important. Je trouve ici, dans notre contexte, le véritable défi, ce serait de lier la structure même de la valeur, donc cette structure sans contenu, donc c'est donc où le monde disparaît dans une forme vide, de y voir l'origine justement du narcissisme en tant qu'individu vide. Mais là, je le laisse pour la prochaine fois. Donc je demande, donc c'est toujours oui, indique. Je n'ai pas un grand exposé, mais c'est juste une enquête assez récente en Norvège. Disons que moi, je ne suis pas très versé en théorie psychanalytique, mais elle me semble un peu confirmer ce que vous avez dit sur Marseille. Parmi les jeunes Norvégiens qui sont nés fin 80, début 90, il n'y a maintenant plus aucune volonté de subversion contre l'ordre établi dans ce pays, vraiment statistiquement zéro, qui est un fait historique. Dans toute autre génération, il y a eu une certaine volonté de déstabilisation du statu quo, au renversement du pouvoir. Et c'est intéressant justement parce que les sociétés scandinaves, et peut-être surtout la Norvège, c'est une des sociétés où on a le plus éradiqué cette ancienne forme de paternalisme. C'est justement une des luttes majeures de l'idéologie scandinave. Donc on peut voir à partir de ces enquêtes qu'on a changé une sorte d'autorité par une autre. Et c'est ça qui me semblait intéressant par rapport à ce qu'avait dit Lesch. Et donc moi pour l'instant j'ai plutôt essayé de comprendre ça par rapport à Foucault et des normes, donc je ne connaissais pas trop la psychanalyse, mais ça me semble très très intéressant par rapport à ça. Justement un peu le paradoxe entre la libération féministe qui était très très forte en Norvège, qui maintenant a culminé à des jeunes complètement dociles. Complètement dociles. Oui. Ce qui me semble, et les chercheurs eux-mêmes n'ont pas vraiment de réponse, ils disent que c'est la première génération qui a été complètement gérée par l'État, même dans les activités extrascolaires, mais sinon ils n'ont pas vraiment de bonne réponse. Et ouais, ben voilà, c'est une sorte de maîtrise sans maître, ou une sorte de servitude volontaire où il n'y a plus de maître. Donc une sorte d'internalisation d'un nouveau surmoi, il me semble. Et voilà, c'est assez récent, donc je n'ai pas encore regardé la méthodologie, le développement de l'étude, tout ça, mais ça me semble très intéressant par rapport à l'âge. Mais comment a-t-on réalisé cette enquête? Parce qu'évidemment, si on demande aux gens s'ils se sentent de servir son maître, ils diront non, donc il faut y arriver eux directement. C'est des enquêtes qui font très peu enquêtes, qui font tous les 5-6 ans pour voir un peu les valeurs et ça, de chaque génération de jeunes Norvégiens. Et justement, je n'ai pas toute la méthodologie, mais surtout qu'il y a une institution très très sérieuse en Norvège. Et qu'on s'est construit depuis les années 40, tous les 5-6 ans, pour chaque génération, pour voir un peu leurs différentes valeurs, leurs croyances, et tout ça. Oui, donc tu veux dire, donc pour la première fois, donc, on a une génération qui n'exprime aucune idée de changer la société, oui, ou d'intervenir. C'est ça, par exemple, c'est pas que leurs parents leur disent quoi faire. C'est qu'ils ne questionnent rien, ils rentrent juste dans les faits comme ils sont, en fait. Parce que si leurs parents leur dit ce qu'ils devaient faire, ça serait une sorte d'autorité classique. Mais c'est pas du tout ça, c'est juste qu'ils ne questionnent plus du tout les faits ou la société comme elle est. Ils font juste ce qu'ils doivent faire. Ouais. Et c'est un peu ça qui est... Parce que la Norvège, justement, est des sociétés les plus prospères au monde. Alors la plupart des Norvégiens diraient que pourquoi ils doivent questionner quoi que ce soit, c'est un des pays les plus riches au monde, un des pays les plus heureux au monde sur le papier. Et donc, mais il faut aussi voir ce que c'est, appeler un chat pour un chat, je pense que c'est une sorte de servitude volontaire en fait, une sorte de conformisme total. Mais en même temps, si je me rappelle bien, la Norvège a quand même connu une série d'épisodes de vandalisme, de révolte des banlieues, non? Non, c'est la seule qui a fait de banlieue. Nous, on a notre fameux 22 juillet avec le terrorisme le plus. Et là, c'est l'autre chose. Oui. Donc, ouais. Voilà. Pour moi, c'est des effets pervers d'un perfectionnement de société. Ça bascule, en fait. Mais bon, c'est pas très populaire. Théorie en Norvège. Alors. C'est un peu difficile, c'est peut-être de faire la part entre l'évolution familiale, culturelle, et puis cette richesse très importante liée au, un petit peu au saumon et beaucoup, beaucoup au pétrole. qu'une Norvégienne m'expliquait, par exemple, que dans des familles cultivées, on constatait fréquemment que les jeunes maintenant arrêtaient leurs études assez tôt, donc arrivaient à un niveau de qualification nettement inférieur à leurs parents, mais en ayant l'assurance, à tort ou à raison, mais ils la ressentent comme telle, de vivre très bien et avec un salaire très très convenable, en faisant des activités pour lesquelles il suffit de s'y pencher vers 21-22 ans, faire une petite formation d'un an et d'accéder. Voilà, alors, voilà. Ça désole les milieux de médecins, d'universitaires, etc. Parce que ils voient leurs enfants abandonner beaucoup d'ambition. Voilà. Mais alors ça, c'est lié à la richesse et aussi à la famille, les deux. Hein, c'est un peu difficile. On peut expliquer tout avec la richesse. Ouais. Je pense que ça ne suffit pas. Il y a d'autres pays très riches, comme la Suisse. Oui, on n'a pas la même chose. Mais en plus, comme tu l'as dit, les pays scandinaves ont toujours été les premiers de la classe, donc les pays les plus écologiques, les plus féministes, les plus démocratiques, les plus d'État social, et donc évidemment ça, donc c'est un exemple, donc comme le maximum de liberté arrive finalement au maximum d'hétéronomie. Hein. Et en même temps, donc, justement, un des sujets donc, que nous devrions aborder en séminaire ici, c'est justement donc, les massacres dans les écoles, donc, c'est donc la violence aveugle comme phénomène typique du narcissisme. Donc là, évidemment, donc, le fait le plus retentissant qu'on a jamais eu, justement, s'est produit en Norvège. Hein. Oui, il y a une importante différence entre lui et les autres, c'est que lui, il ne s'est pas tué, il ne s'est pas suicidé. Oui. Il vient juste de terminer un nouveau livre de 1000 pages et il continue son... Non, mais c'est important parce que ça montre que c'est pas... À mon sens, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose. Donc, il y a c'est un cas un peu différent que les autres. En plus, il a tué 77 personnes. Et je pense que ça, c'est justement le cas un peu spécifique de la Norvège. J'ai toujours pensé que la Norvège et les pays scandinaves sont un peu différents. Ils ont des différentes constellations. Surtout la Norvège, une richesse un peu ex nihilo venue de n'importe quoi, n'importe où dans les années 70, qui leur ont vraiment permis de réaliser leur utopie. En fait, c'est ça, alors que l'argent a pu le faire. C'est pas qu'ils sont devenus des capitalistes, ils ont plutôt réalisé complètement leur vie. C'est pas des sociétés très paternalistes, avec des normes, avec. Je pense que c'est des pays où on a justement éradiqué le plus, ce paternalisme ancien, mais où les normes sont très très fortes, mais elles ne font pas le forme d'une paternalité. Donc, le paternalisme, au sens un peu démagogique, du terme. Oui. Voilà, ça serait donc un nouveau interprétation sur moi, peut-être. J'ai une petite anecdote sur la Norvège d'un expatrié dans le pétrole français. Et il y a une date où il faut mettre des neiges, c'est obligatoire. Ouais. La voiture était dans le garage, il n'y avait pas vu cette neige. Les flics sont venus le voir, ils ont mis une amende. C'était le voisin qui l'avait dénoncé. Oui, voilà. Et il m'a dit, le voisin lui a dit, c'est pour revenir. Oui, mais ça veut dire qu'il y a une autre forme de paternalisme, parce que les figures classiques de l'autoritaire sont complètement effacées. Oui, parce que ça je ne veux pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de paternalisme, mais prendre une autre forme. Quelles sont les nouvelles? Il faut des formes d'autorité nouvelles, en parlant de la gauche. Justement, c'est ça qu'on essaie de comprendre, pourquoi dans un pays où on a effacé les figures classiques de l'autorité, on se retrouve avec une génération entière de jeunes qui, clairement, adhèrent à une forme d'autorité. On n'a pas décrit des nouvelles formes. Non, ils se pensent complètement libres, mais cette enquête est la première qui montre qu'ils sont complètement conformistes. On pourrait dire que le sujet automate, pour citer ce terme de Marx, il règne du souverain, donc c'est un peu le contraire du paternalisme. Très souvent, dans ces sociétés-là aussi, on est. Donc, si tu ne respectes pas les règles, on te fait tout de suite peser que tu as péché contre la communauté tout entière, non? Donc, que tu as été égoïste, surtout, donc que tu ne. C'est intéressant par rapport à la Autre forme de son. Oui, donc justement, bah, je me suis même dit, bah, peut-être, vous savez que dans les années 40, donc, l'Institut de Horkheimer avait fait déjà deux fois des grandes enquêtes sur l'autorité, la famille, sur la personnalité autoritaire, une fois en Allemagne, une fois aux États-Unis, où là, donc, surtout avec des questions indirectes, souvent, on a tenté de comprendre le degré d'obéissance à l'autorité des personnes. Donc, aussi, le début explicite, c'était même de connaître le degré donc, d'une fascistisation possible des États-Unis, la diffusion de l'antisémitisme. Donc, aujourd'hui, ce serait intéressant de faire le même genre de recherche pour voir justement la diffusion de structures narcissiques. Mais on ne peut arriver évidemment que par des moyens indirects. On ne peut pas demander aux individus êtes-vous narcissique ou... C'est aussi le rapport entre le narcissisme et le conformisme. Est-ce que ça on peut être très narcissiste et très conformiste en même temps? Alors d'autres commentaires? On a fait ce long détour pour la psychoanalyse, pour certains moments, on donne les intentions pour arriver, pour avoir pourquoi la structure psychique aujourd'hui donc, n'est plus la structure classique du travail, autorité, famille, mais pas du tout dans un sens d'émancipation, mais évidemment dans un sens de pseudo-réalisation de l'individu, qui en tant que tel n'est pas seulement une concession, disons, au désir d'autoréalisation des individus, mais qui finalement, de certaine manière, correspondent à une étape de l'évolution capitaliste où la valeur ne doit plus faire de mélange avec des structures pré-capitalistes, autoritaires, patriarcales, mais d'une certaine manière, le sujet automate donc commence à devenir souverain. Et donc peut donc agir d'une certaine manière, prendre directement en régie la société, donc où l'accumulation donc tautologique d'un travail abstrait, donc du travail sans contenu, donc de la pure combustion d'énergie humaine, donc c'est là tout travail abstrait, d'une certaine manière produit aussi comme une structure psychique qui lui correspond, donc justement les individus sans qualité, donc justement aussi comme disait déjà le roman de Musil, donc des personnes qui en tant que telles peuvent s'adapter à tous, peuvent aussi trouver leur satisfaction partout, et qui en même temps n'entretiennent jamais de véritables rapports avec le monde extérieur, parce que tout le monde autour d'eux pratiquement n'est qu'une espèce de miroir de leur propre intériorité. C'est justement là qu'elle lâche aussi assez fort, donc en insistant que justement le narcissique est un individu faible, parce qu'en vérité il n'a pas arrivé à véritablement admettre l'existence du monde extérieur, parce que pour l'admettre, il faut aussi admettre notre propre dépendance par rapport au monde extérieur. C'est justement ce que la personnalité narcissique, dès le début, évite. De manière, il nie, donc c'est dans ces cas-là, donc dans son développement, l'enfant, évite cette douleur de, par exemple, de s'admettre vaincu par le parent. De certaine manière, il reste toujours dans une espèce de prolongation de son toute-puissance infantile, exactement le narcissisme que nous avons vu. Ce narcissisme est un stade nécessaire à une certaine époque du développement, mais il est extrêmement nocif lorsque, d'une certaine manière, l'individu fait tout le possible pour garder ce stade, évidemment. Il le fait évidemment toujours de manière dérobée, parce qu'évidemment, au moment de n'être pas vraiment fou, donc l'individu apparemment, il grandit, il établit des rapports avec les autres, mais dans son fort intérieur, les autres restent pour lui de pure projection et jamais des personnes avec lesquelles on peut établir un véritable rapport qui se base sur le respect de l'autonomie de l'autre, sur le fait de donner et de recevoir. Cela, évidemment, plus visible dans la figure pathologique du pervers narcissique, dont nous avons parlé ici, donc la personne qui met tous les autres à son service, et qui est donc la personne classique de l'égoïste. Voilà, cela se retrouve évidemment dans beaucoup d'autres structures, d'autres formes de vie sociale, comme nous avons. Nous avons plusieurs fois évoqué le fait, par exemple, que Internet, évidemment, pousse énormément au narcissisme parce qu'il nous permet d'entretenir des rapports extrêmement faciles d'amitié, d'amour et d'autres, où nous ne devons jamais nous engager dans la reconnaissance d'une véritable altérité. Donc nous sommes pratiquement toujours avec quelqu'un qui n'existe qu'en tant que réalisation momentanée de nos désirs. Et dès que l'autre ne l'est plus, on l'abandonne à la faveur de quelque chose d'autre qui offre le même type de satisfaction. Et voilà pourquoi, justement, la prochaine fois, je voulais passer, comme je dis, au néo-lacanien français, qui, même avec des manières que je trouve souvent très discutables, il insiste quand même justement sur ce fait que lorsque le grand autre dans sa forme classique disparaît, donc le nom du père, comme disait Lacan, donc il y a d'autres formes de grand autre qui apparaissent, qui peuvent être infiniment plus insidieuses et se prêter justement à des formes de manipulation où surtout il n'y a plus une frontière. Donc là aussi, je voudrais insister sur cette idée d'une frontière entre le moi et le non-moi. Donc, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois. Lorsque dans la situation classique, entre l'élève par exemple et le maître d'école qui te frappe sur le doigt, nous l'avons déjà dit, il y a une frontière comme assez claire entre moi et toi. Toi, tu veux me imposer quelque chose, tu me frappes et moi je tente de faire résistance. À la limite, je m'adapte ou peut-être je vais garder comme intérieurement une espèce de réserve, ou au moins c'est ce qui arrive dans certaines personnes. Lorsque dans une école moderne, donc l'enseignant dit « moi je suis ici pour t'aider, pour t'aider à rentrer dans la vie du travail, de toute manière moi aussi, d'ailleurs je suis exploité par la bureaucratie scolaire, et d'une certaine manière nous sommes ici tous dans la même situation, et tentons ensemble de faire le mieux, et en plus il peut très bien être en bonne foi l'enseignant, mais il reste quand même l'enseignant, aussi le représentant de la société, mais une société où il n'est plus possible de faire une ligne de démarcation. » Parce que maintenant, l'autre, donc, il tente d'établir une espèce de fusion avec nous, donc une espèce de séduction. Donc la séduction, c'est exactement ça, c'est l'effacement des frontières et la confusion de deux volontés. Et voilà pourquoi c'est quand même une grande différence. Si on est essentiellement obligé à faire des choses, du genre le service militaire, aller à l'église, etc., ou si la société dit tout le temps, on te propose des choses pour ton bien, après c'est à toi de décider si tu veux le faire ou pas. Donc là, il n'est pratiquement plus possible, il devient beaucoup plus difficile de résister, parce que comment tu peux résister à quelqu'un qui veut t'aider, qui veut te permettre de faire, donc de réaliser au mieux ta vie. Hein. Et donc tout cela, donc, ça crée exactement donc, des structures narcissiques. Et après, on retrouve cela dans d'autres niveaux. Donc justement, comme autre exemple très connu, le jeu vidéo qui efface après, évidemment, là aussi, la limite entre le moi et le non-moi, entre la réalité et la non-réalité. Évidemment, lorsque les enfants, une fois, se battaient dans la rue, donc lorsque le sang commençait à couler, il y avait quand même la réalité qui faisait retour, et donc et aussi une certaine empathie qui pouvait s'établir, évidemment, dans le jeu vidéo. Donc, on ne développe jamais aucune forme d'empathie parce que rien ne fait jamais vraiment mal. Hein. Et donc, voilà pourquoi, je dirais, Lesch a vraiment raison lorsqu'on dit que l'essentiel du narcissique, donc ce n'est pas évidemment l'égoïsme, ce n'est pas l'amour de soi, mais c'est l'effacement de la frontière entre le moi et le non-moi. Pourquoi il interprète aussi le mythe du narcissique qui se noie dans la fontaine. Donc c'est évidemment, c'est pas positif comme Marcuse, une espèce de union avec la nature, mais évidemment que c'est au contraire, donc c'est le fait de ne plus savoir qu'est-ce que c'est toi et qu'est-ce que c'est l'autre, et donc c'est un retour donc, à la situation du nouveau-né qui ne peut pas encore établir cette, cette frontière. Mais justement, la prochaine fois, je vais y répondre. Je répète, ce serait trop court de penser que cela, c'est seulement la conséquence du fait que, par exemple, il n'a plus l'entreprise familiale classique possédée par le père. Et Marcuse et Lesch insistent tous les deux sur ces facteurs sociologiques. Mais il y a quand même quelque chose de beaucoup plus profond derrière, je dirais, donc justement le fait qu'effectivement le travail abstrait en tant que tel n'a pas de contenu, donc ne peut pas vraiment connaître des hiérarchies ou des autorités. Donc tous arrivent d'une certaine manière, tous se passent donc d'une façon automatique. Et les individus là, donc, sont des fonctionnaires de ce processus. Donc nous avons vu souvent en parlant du capitalisme et du travail abstrait. Et justement, évidemment, ce fonctionnaire mis au service d'une structure sans contenu est donc classiquement une structure narcissique de leur personnalité et pas la structure autoritaire qui correspondait en vérité à une société où il y avait encore quelques formes de contenu. Encore quelques commentaires. Nous ne sommes pas en Norvège, mais les auditeurs ont du mal à prendre la parole. Vas-y. Oui, il est trop tard. Oui, je... Non, on n'est pas chassé ici. Hein. On peut rester. Hein, si je viens de la désubligation répressive de Marcus. Hein. Une anecdote, en mai 68, un peu après, elle a demandé à Cohn-Bendit s'il avait lu Marcus, il a dit non, j'ai pas lu le nid, etc. Parce que tout le monde voyait dans les événements de 68 la réalisation des thèses de Marcus. Et comme vous l'avez dit, personne ne l'avait lu à l'époque, c'est juste après qu'on l'a lu, etc. Et sur le concept de désubligation répressive, en essayant d'actualiser l'analyse aujourd'hui. Et c'est pas sans rapport avec le travail. Marcuse, comme vous l'avez dit grossièrement, la répression sexuelle est nécessaire à la mise au travail. Grosso modo, pour se lever tôt, il faut se coucher tôt, bien armé, etc. Il avait déjà remarqué aussi qu'il y a en route des désubligations répressives. Bon, aujourd'hui, la pornographie payante par Internet, un certain cinéma, etc., c'est au service du sexe, pas de la libération sexuelle, du sexe marchandise, etc. Et ça permet, c'est intégré dans le fonctionnement du système. C'est une désublimation repressive, c'est pas de libération sexuelle, mais ça fonctionne très bien, c'est marchandisé, etc. Et bien, comme vous l'avez dit un peu, il y a des boîtes de rencontres où le vendredi soir, le samedi soir, c'est des boîtes de partout, où les cadres supérieurs vont se décontracter, en baisant tout azimut, pour être plus productif le lundi matin. Alors ce qui est assez fascinant, c'est la capacité de récupération du système. Je crois que Marcus emploie aussi assez souvent le terme de récupération. Cette fausse libération sexuelle est au service de la marchandise et du sexe. Et c'est quelque chose inquiétant. Certains films aussi, je n'ai pas vu mais le film L'infomaniaque avec. On peut analyser ça d'un point de vue psychanalytique et marcusien, c'est vraiment une récupération. Et en plus, il y a des glissements sadomasochistes, il faudrait voir ce que ça signifie. Parce que je crois que dans le capitalisme, il y a des dimensions sadomasochistes assez évidentes. C'est le fait que ça passe au cinéma, ça permette de faire du feu, etc. C'est encore la récupération de la désubligation en pratique, la marchandisation au service du système. Dans les années 70, on voulait faire la révolution sexuelle. Mais la révolution politique. La révolution sexuelle n'a pas eu lieu, c'est la récupération marchande, et c'est la régression politique plutôt que la révolution politique. Alors, ce qui me fascine, ce qui me terrorise, c'est les facultés de récupération du système en termes marcusiens des sublimations en présence. Genre l'amour pour la guerre, etc., c'est raté. Peut-être qu'on baisse tout azimut pour aller encore plus à l'idée que dans les années 70. Que faire pour. Oui, vous avez parfaitement raison. Quelqu'un a très bien dit qu'à l'époque là, donc la sexualité semblait une tigre qui rugit dans le placard, mais lorsqu'on a ouvert le placard, c'était un petit chat gentil qui est sorti. Mais dans l'art contemporain, on peut l'utilisation de certaines formes d'art moderne contemporain. On peut retrouver un peu ce que vous dites, des formes d'art qui auraient pu être complètement iconoclastes il y a 50 ans, c'est pas beaucoup, sont des formes adulées, ayant une valeur marchande très importante, etc. Et je réfléchissais à ce que demandait le jeune homme, et je proposerais qu'on envisage cela. Il disait narcissisme conformiste ou pas, et moi je cherchais par rapport à ces formes d'art et un peu par rapport à ce que vous disiez sur la sexualité, je me disais là, c'est c'est même plus le mot récupération qui vient, c'est à la fois, moi je dirais conformiste, certes, pour celui qui est sur sa console, etc., certes, puisque plein le font, c'est un modèle, mais en même temps, ce narcissisme ne peut pousser que par des renouvellements factices d'anticonformisme constants, mais qui ne sont même plus de rébellion à aucun moment. C'est pour ça que le mot récupération est presque... Peut-être qu'il faut trouver d'autres mots que le mot récupération. Bon, c'est la servitude volontaire. Voilà. Et on peut imaginer des esclaves heureux qui n'ont même plus conscience de leur servitude. Et ça, c'est terrifiant. Ils sont très heureux. Ils sont très heureux. Et toutes les grandes enquêtes qui montrent, ils sont... Mais enfin, la répression qui existait il n'y a pas longtemps était quand même terrible, hein, faut pas l'oublier non plus. Hein. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on entend, mais il y avait une répression terrible. Enfin, s'il vous plaît, signez tous, comme ça on démontre qu'on a besoin d'une salle plus grande. Dans la société avant, la société dans laquelle nous sommes, il y avait une répression terrible. Il y a très peu de temps. Direct. Alors c'était bien parce qu'effectivement, ça permettait de s'opposer. Mais la répression, elle est là. Mais oui, mais bien sûr, je dis brutal et direct. Ben, quand tu commences à sortir les clous, à bouger à gauche ou à droite, enfin. Enfin, elle a des formes plus insidieuses, on l'a dit. Avec le fichage ADN, les lois qu'ils ont fait. Maintenant, tu ne peux plus occuper. Tu vas la maison d'une salle plus grande. Tu vas direct en gauche. Tu fais une occupation. C'est très mal vu, quoi, les. L'éducation, c'est très réprimé aujourd'hui. Tu peux plus séquestrer. Aujourd'hui, parce qu'elle disait la réaction, je suis d'accord avec ses vies. Aujourd'hui, il y a une séquestration de patron, une séquestration.